Toujours à la même occasion, le journal russe Narodoskindabotsi, le journal tanzanien Uhuru ont présenté les numéros spéciaux avec les photos du président Kim Il-sung. Ils ont écrit en détail que les impérialistes américains ont capitulé devant le courage inébranlable et l'habileté invincible du président Kim Il-sung, grand homme sans égal, et les militaires et civils coréens unis fermement autour de leur leader dans la guerre de libération de la patrie.